le sauveur, M. Grenier. Et tu es belle en habit de bal. Ton esprit me laissera tout seul. Good night. Ton attitude me rend de saoul. Des vers sont bus, je change de rôle. Good night. Et je suis fou de désir seul. Surprends mes rêves comme personne. Tonight. À mes mesures, je défie le ciel de m'apporter le corps de sel. Tonight. Cette voiture roule presque toute seule. Seul l'instinct de l'homme la contrôle. Tonight. T'as mis du rêve, t'as mis du sel. Au fond de mes yeux la plus belle. En toi a changé. Se conserve mieux. La vie est belle, elle est superbe. Le long des murs, je crois plein misère. T'as mis du sel, oh. Je veux des rêves. Une attitude de self-control. Ce soir. Tonight. La ville est belle, un hybride de style. La pluie, la nuit, fait briller tes cils. En bois, à changer d'âme. Tonight. I need your soul. I need you, girl. À ta merci, happy girl. I need you, I need you, I need you so, girl. Dans la poussière, happy girl. Happy girl. Si tu le veux, nous quittons le sol. J'ai plus d'aptitude à vivre seul. Happy girl. I need you, I need you, I need you so girl. Dans la poussière, happy girl. Petit salope.